en France, une personne sur deux est considérée en surpoids et près d'une personne sur six comme souffrant d'obésité. Le nombre de cas d'obésité a triplé depuis 1975 et les derniers chiffres disponibles concernant les adolescents sont assez préoccupants. Dès la classe de 3e, près d'un adolescent sur 5 est déjà en surpoids. Que faire face à ce qui s'apparente désormais à une épidémie? Mieux en comprendre les sources, notamment génétiques et physiologiques, mieux en décrire les mécanismes, surtout inflammatoires, déclenchés par l'obésité et adapter les réponses. Surpoids, un phénomène de masse, c'est le programme diététique qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour évoquer les origines et les mécanismes du surpoids et de l'obésité, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Karine Clément. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeure de nutrition à Sorbonne Université, à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, directrice de recherche de l'unité nutrition et obésité approche systémique à l'INSERM. Et Claire Carrette, bonjour. Bonjour. Vous êtes médecin, diabétologue et nutritionniste à l'hôpital européen Georges Pompidou à Paris. Pour commencer, eh bien, avant d'aborder ce sujet comme tous les jours, on jette un œil à ce qui s'est passé dans le monde des sciences et de la recherche avec le journal des sciences de Natacha Triou. Bonjour Natacha. Bonjour Nicolas. Et on commence ce journal avec une nouvelle théorie sur l'extinction de l'homme de Néandertal. Selon une étude parue dans Anatomical Records, des infections de l'oreille à répétition auraient pu fragiliser l'espèce. Cette histoire d'oreille de Néandertal, c'est un vieux serpent de mer. Dès les premières études faites en 1911, on avait déjà mis en évidence que son oreille externe et que son conduit auditif étaient différents d'Homo sapiens. Une équipe américaine a pour la première fois reconstitué une trompe de Stache néandertalienne. À partir de scanners de fossiles et de points de repère, ils se sont aperçus que ce canal est beaucoup plus court, qu'il est aussi court que celui des nourrissons humains. Mais contrairement aux enfants, ce canal n'évolue pas avec l'âge. Les chercheurs en déduisent donc que les néandertaliens devaient contracter des infections de l'oreille à répétition, comme on le voit chez les nourrissons. Une des interprétations de cette étude, c'est que cette différence anatomique peut expliquer la prévalence d'Homo sapiens sur Néandertal et qu'elle serait l'une des possibles causes d'extinction de cette espèce. Sylvana Condimi est directrice de recherche au CNRS à l'université d'Aix-Marseille. Elle est l'auteur de Néandertal mon frère aux éditions Flammarion. Donc je pense que dans l'étude, il faut séparer trois parties. La partie qui est purement scientifique, qui est une étude absolument excellente parce que ça permet de connaître encore mieux les Néandertaliens. Donc ça, c'est encore une fois une différence sur la trompe de Eustache qui n'avait pas été mise en évidence. Du point de vue méthodologique, elle est très importante. C'est-à-dire que on travaille sur la trompe de Eustache qui est un conduit de nature cartilagineuse et osseuse. En fait, la trompe de Eustache, c'est une cavité qui se situe derrière le tympan et qui communique avec la partie du rhinopharynx. C'est une partie auquel on n'a pas accès. Après, c'est au niveau fonctionnel, vous voyez. Est-ce que le fait qu'elle soit plus courte, ça génère beaucoup plus d'infections? On peut imaginer que oui. Mais ça voudrait dire que les Néandertaliens ne savaient pas se défendre, vous voyez, du point de vue de ces infections. Donc ça contredit quand même un certain nombre de données que nous avons également sur les Néandertaliens. Les Néandertaliens, quand ils avaient aussi des problèmes de santé, savaient récolter les plantes, pouvaient les soigner. Sur les 300 000 ans, ils ont évolué, ils sont devenus de plus en plus Néandertaliens. Si cette population avait été aussi fragile que cela, je ne vois pas comment elle aurait pu survivre pendant un laps de temps aussi important. Et on passe au bref du jour. Une équipe internationale vient de séquencer les génomes de toutes les espèces vivantes de manchots. 20 espèces regroupées en 6 genres de manchots, mais aussi une cinquantaine d'espèces disparues. Ces oiseaux passent la moitié de leur vie sur la Terre et l'autre temps dans l'eau. Ils ne savent pas voler, ils se sont développés dans des environnements aussi divers qu'extrêmes, des tropiques des Galapagos à la Nouvelle-Zélande en passant par l'Antarctique. Dans l'arbre phylogénétique présenté dans cette étude, on voit que les manchots se sont adaptés à l'Antarctique à plusieurs reprises. Mieux comprendre leur histoire, c'est aussi mieux anticiper leur évolution face au changement climatique. Les détails sont à lire dans la revue Gigascience. Voilà, et on vous met le lien, hein, comme d'habitude, vers ces études sur le fil Twitter de la méthode scientifique, @laméthodefc. Une autre étude, parue cette fois dans Nature Astronomy, relance le débat de l'âge des anneaux de Saturne. Ils seraient aussi vieux que le système solaire. Plusieurs études estimaient qu'ils se seraient formés à l'époque des dinosaures, il y a environ 100 millions d'années. Ces anneaux seraient trop brillants pour exister depuis des milliards d'années. S'ils avaient été plus vieux, ils auraient été plus pollués des météorites qui s'écrasent en eux. Une équipe franco-américaine vient de réexaminer les données de la sonde Cassini de 2017. Selon eux, le processus de pluie d'anneaux, qui rejette des particules sur le bord intérieur mais aussi sur les bords externes, pourrait rendre ces anneaux plus jeunes qu'il n'y paraît. Selon leurs nouveaux calculs, la masse totale des anneaux mesurée par Cassini serait le produit naturel de plus de 4 milliards d'années d'évolution. Ce week-end s'est déroulée la troisième édition du Z-Event à Montpellier. L'événement a récolté plus de 3,5 millions d'euros pour l'Institut Pasteur. Et le Z-Event, c'est un marathon de 50 heures de jeux vidéo et de e-sport. Toutes les stars du secteur étaient présentes. C'est ce qu'on appelle du stream caritatif. À 3,5 millions d'euros pour ce type d'événement, c'est un record mondial. L'an dernier, l'événement avait récolté un peu plus d'un million d'euros pour Médecins Sans Frontières. Et enfin, selon une étude de la revue Bioarchive, la fréquence cardiaque de deux personnes qui s'attirent est synchronisée. On vous dit souvent lors d'une rencontre amoureuse qu'il y a une étincelle. Des chercheurs néerlandais ont cherché à quantifier ce phénomène. Lors d'un festival, ils ont mis en place un science blind date. Dans une cabine, des inconnus étaient invités à se regarder et à discuter. 140 personnes ont joué le jeu. Toutes leurs réactions corporelles étaient enregistrées. Fréquence cardiaque, température cutanée et mouvement du regard. On leur demandait ensuite s'ils souhaitaient se revoir. Contrairement aux idées reçues, rien de leur comportement ne permet de déduire une attirance, ni le regard, ni le sourire par exemple. En revanche, ceux qui ne trompent pas, ceux qui présentent une fréquence cardiaque et une température corporelle synchronisée, expriment à coup sûr une attirance mutuelle. Voilà, on va lancer une étude de cardiaque des auditeurs de méthode scientifique pour savoir si nos cœurs battent de façon synchronisée. Merci beaucoup Natacha Triou, on vous retrouve demain pour le prochain Journal des Sciences que vous pouvez également retrouver comme tous les jours sur franceculture.fr ainsi qu'en podcast via l'application notamment de podcast de Radio France. Et donc à 16h07, nous allons parler de surpoids et d'obésité tout au long de cette heure. L'obésité qui est qualifiée depuis au moins 2 ans par l'OMS comme une épidémie. Plus de 3 millions de personnes décèdent chaque année dans le monde du fait des troubles liés à leur surpoids. À l'échelle planétaire, 2 milliards de personnes sont en surpoids et ce problème ne concerne plus uniquement les pays développés, mais aussi les pays à revenus faibles ou intermédiaires. Et pour conclure sur l'ampleur de ce phénomène, en tout cas dans cette introduction aujourd'hui, le surpoids et l'obésité sont associés à un plus grand nombre de décès que l'insuffisance pondérale liée à la malnutrition. Autant dire que la lutte contre le surpoids et l'obésité est un enjeu de santé publique majeur, qu'elle concerne tout le monde. Encore faut-il s'accorder sur ce que sont le surpoids et l'obésité. Écoutez la définition qu'en donne la radiodiffusion française. Nous sommes en décembre 1950. On admet communément que le poids idéal est exprimé en kilos le nombre de centimètres au-dessus de 1 mètre de la taille. Par exemple, 65 kilos pour 1 mètre 65, 70 kilos pour 1 mètre 70. L'obésité commence lorsqu'on pèse 10 kilos de plus que son poids idéal, ou selon d'autres, lorsqu'on dépasse ce poids idéal d'au moins 15%. Cela est peut-être vrai pour l'homme, mais à vous entendre, une femme frémirait. Elle frémirait en 1950. La mode importée de Hollywood exige une sveltesse qui eût décontenancé nos grands-parents. Je doute que Rubens, Boucher et même Renoir eussent trouvé à leur goût ces squelettes ambulants qu'on baptise aujourd'hui Pinocchio. Voilà la définition de l'obésité donnée par la radiodiffusion française en 1950. Peut-être une réaction, simplement évidemment les critères ne sont plus les mêmes aujourd'hui. Karine Clément ? Oh, c'est intéressant hein, d'écouter ces remarques. Et en fait, moi ce qui m'a marqué, c'est deux choses. On parle de poids idéal. Moi le poids idéal, je ne sais pas bien ce que c'est, d'une part. Et d'autre part, ce qui est assez également troublant, c'est l'analogie avec aujourd'hui. Où finalement, ils parlent de la mode. Et là, on touche du doigt les enjeux de la maigreur extrême et des problèmes de stigmatisation du poids. Donc, je pense que c'est une belle introduction. Claire Carrette, une réaction à cette archive ? Bon, il se trouve que j'ai écouté ou j'ai lu, je ne sais plus très bien, un truc sur Rubens il y a quelques jours, et qu'en fait Rubens peignait des femmes obèses, mais sa propre femme, celle qu'il a, semble-t-il, aimée et épousée, était relativement mince. Donc voilà. Rubens, Botero, d'autres canons de la beauté qui effectivement ceux qui sont infligés aujourd'hui, qui nous sont infligés par l'industrie de la mode et la publicité. La référence aujourd'hui, celle qui me permet de définir médicalement les problèmes ou les troubles oublié au surpoids et à l'obésité, c'est l'IMC, l'indice de masse corporelle. Qu'est-ce que c'est exactement, Karine Clément ? Alors effectivement, ça c'est la définition médicale. Donc l'index de masse corporelle, c'est le rapport du poids en kilos qu'on divise par la taille en mètres au carré. Donc les auditeurs peuvent commencer à calculer et au-dessus de 30, on va définir l'obésité. Après, il y a d'autres niveaux. Au-dessus de 35, l'obésité sévère. Au-dessus de 40, alors c'est un terme qu'on n'aime pas trop, mais on parle d'obésité morbide. Et puis le surpoids est défini pour un même IMC au-dessus de 25. Donc ça, c'est une définition médicale. On peut la mesurer, il suffit d'une balance et d'une toise. Mais on sait aujourd'hui que ce n'est pas suffisant, en fait, réellement, pour définir l'obésité. Il faut toujours garder en tête que ces limites, ces chiffres ont été basés dans les années 50, en fait, par des compagnies d'assurance pour établir un risque. Donc, en fait, ce n'est pas tellement le poids en tant que tel, ou c'est un index de corpulence, mais aussi un index de risque, et c'est le niveau au-delà duquel les risques pour la santé commencent à augmenter. Qu'est-ce qu'on peut, ça n'est pas suffisant aujourd'hui. L'IMC, c'est vraiment une mesure qui est trop arbitraire, ou trop froide. Qu'est-ce qu'on peut lui adjoindre pour pouvoir précisément définir ce que sont le surpoids et l'obésité? L'IMC, c'est un critère qui est facile à calculer, qui est facile à utiliser en pratique clinique quotidienne, et puis dans les grandes études épidémiologiques, c'est assez simple d'obtenir ces données. Donc je répète juste, c'est la taille, la taille fois la taille, c'est-à-dire la taille au carré, et on divise avec ce score-là. On divise le poids par le score qu'on a obtenu. Voilà, ouais. Exactement. Mais en fait, ça définit assez mal l'excès de masse grasse et notamment sa répartition. Et c'est vrai aussi que c'est extrêmement variable selon les ethnies. Donc nous, on préfère, on utilise évidemment l'IMC au quotidien, mais on essaye de regarder comme on peut la répartition du tissu adipeux. Et on sait que, par exemple, le niveau de risque va être augmenté en ce qui concerne les maladies métaboliques et le diabète est cardiovasculaire, pardon, c'est ça que je voulais dire, chez les gens qui ont un tissu adipeux qui va être localisé au niveau viscéral. Et donc ça, c'est une mesure qu'on a plus de mal à obtenir en clinique. On peut tout simplement déjà regarder son malade et voir, son patient plutôt, et regarder où le tissu adipeux est réparti. Et quand il y a une obésité qu'on appelle abdominale, donc on peut le mesurer avec le périmètre, le tour de taille, ça nous donne un peu une idée de l'accumulation de graisse dans les viscères à l'intérieur du corps. Et ça, c'est un bon marqueur de risque métabolique et cardiovasculaire. On va voir qu'effectivement, on parle d'obésité au singulier. C'est une expression qui nous fait sourire parce qu'on dit souvent qu'il n'y a pas une obésité, il y a des obésités, il n'y a pas un diabète, il y a des diabètes. Évidemment, quand on regarde la réalité médicale, physiologique d'un certain nombre de pathologies, on se rend compte qu'elles ne sont pas uniques et qu'elles sont au contraire évidemment diverses. On va voir qu'effectivement, il y a diverses façons d'appréhender ce type d'obésité. C'est intéressant ce que vient de dire Claire Carrette. L'IMC n'est pas discriminant parce qu'il y a effectivement une inégalité ethnique par rapport au poids ou à la répartition des tissus adipeux. Ah oui, alors sur l'inégalité ethnique, ça a même abouti par exemple dans les pays asiatiques à revoir en fait ces seuils de définition de l'obésité. Et donc par exemple en Asie, le seuil au-delà duquel on définit une personne avec une obésité, c'est au-delà de 28. Et donc, ça montre bien, et là aussi, parce qu'en fait, ce sont des personnes qui vont avoir une tendance à avoir plus d'accumulation de la graisse au niveau abdominal. Et quand on parle d'abdomen, on parle aussi autour des viscères. Et donc, c'est probablement, ces personnes-là sont plus à risque, en fait, d'avoir plus rapidement des complications. C'est pour ça que ces seuils ont été revus. 28 au lieu de 30, pour les normes occidentales, entre guillemets. Et l'autre point qui est très important, c'est que quand vous mesurez le poids total sur une balance, en fait, vous n'avez pas la part de graisse et la part de muscle. Donc en fait, il y a des techniques beaucoup plus sophistiquées aujourd'hui pour faire en fait cette mesure, mais qui sont pas très faciles effectivement en pratique courante. Et c'est pour ça que bon, les chercheurs et même les cliniciens, on essaie de se battre pour revoir ces définitions, pour dire qu'il faut d'autres méthodes pour mesurer. Mais bon, on en revient assez souvent quand même à l'index de masse corporelle. Je disais dans l'introduction qu'une étude, hein, qui a été publiée fin août, ce qui nous a conduit à faire cette émission, indique que près d'un adolescent ou d'une adolescente sur 5 est en surpoids dès la classe de 3e. Comment est-ce qu'il faut la comprendre, cette étude? Comment est-ce qu'il faut la lire, Claire Carrette? Bah déjà, juste pour être bien précis, je pense qu'il faut bien avoir en tête que quand on parle comme ça de surpoids chez l'enfant, c'est de surpoids. C'est pas d'obésité. Quand on regarde l'obésité en France, c'est plutôt 4%. Alors quand on regarde surpoids et obésité mélangés, on est à 17%, donc ce qui doit revenir à peu près à ce que vous dites. C'est ça, c'est 17-18%. Voilà, ouais. Alors il y a effectivement, on a l'impression que ça va plutôt en augmentant, mais on n'a pas tant que ça d'études qui permettent de voir l'augmentation de cette prévalence. On a en gros l'étude Esteban qui était, je crois, en 2016, et puis il y avait une étude qui a été faite en 2006 qui permet de voir un petit peu l'évolution. Et quand on regarde, ce qui frappe, je trouve, c'est le fait que cette prévalence de l'obésité chez l'enfant, elle touche plutôt les enfants qui sont issus de familles défavorisées. Quand on corrèle, par exemple, avec le plus haut diplôme des parents, bah, on voit que quand les parents ont fait des études et ont a priori un bon niveau socio-économique, bah, ils sont moins touchés par cette maladie. L'obésité, c'est une épidémie sociale ? Karine Clément ? Oui, et ça, je pense qu'on peut être tous d'accord là-dessus. Il y a une relation très très forte, et partout dans le monde, entre le niveau socio-économique, les niveaux de revenus et le développement de l'obésité. Et là, on touche un tout petit peu du doigt, quand on dit ça, des enjeux sociétaux très très forts, avec effectivement cette maladie, qui est quelque part, il y a une inégalité par rapport à cette maladie et notamment au risque et à la prédisposition qui est aussi d'ordre social. On le voit en France, hein, avec des gradients nord-sud, avec dans les régions plus défavorisées, dans le nord par exemple, ou dans l'est de la France, des niveaux plus importants d'obésité que dans le sud par exemple. Donc ça, c'est des choses qui ont bien été décrites. On a longtemps lu ou entendu que la France était un peu à l'abri de l'épidémie mondiale d'obésité. Est-ce que c'est encore le cas ? Bah, c'est ce qu'on est vu comme ça par nos collègues européens et américains. Mais quand on regarde les chiffres de progression, par exemple sur l'obésité sévère, l'obésité sévère, les index de masse corporelle supérieurs à 35 ou à 40, c'est 10-12 dernières années, ça a progressé énormément. Ça a été multiplié par 3 ou 4, je crois. Donc, on a peut-être évolué un peu plus lentement, mais il faut rester alerté quand même. Pierre Carrette. Oui, et pour compléter, ça revient un petit peu à ce que j'ai déjà dit, mais c'est vrai qu'il y a vraiment une disparité socio-économique, et puis, donc ça on en a déjà un petit peu parlé, mais il y a aussi une disparité entre hommes et femmes, et ce qu'on voit c'est que c'est les femmes à revenus socio-économiques les plus faibles qui sont les plus touchées par ce phénomène d'obésité. Donc voilà, moi je pense qu'on a l'impression que ça augmente encore très progressivement, qu'on est en dessous des autres pays européens, mais ça continue d'augmenter progressivement, et surtout chez ces personnes qui sont soit des femmes, soit des femmes à niveau socio-économique un peu plus bas. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. Et à 16h20, nous parlons de surpoids et d'obésité tout au long de cette heure en compagnie de Karine Clément et de Claire Carrette. Est-ce qu'il y a un lien d'ailleurs direct, Claire Carrette, entre surpoids et obésité? Est-ce qu'on s'engage dans le surpoids? Est-ce que ça veut dire que l'obésité attend? Est-ce qu'on sait quel est le lien que peuvent entretenir ces deux pathologies? Oui, ce qu'on observe nous en clinique quotidiennement, c'est effectivement quand on interroge nos patients obèses qui viennent nous voir en consultation, c'est souvent une histoire de prise de poids progressive qui s'est fait plus ou moins tôt dans le temps. Le plus souvent, ça peut être au moment de la puberté, soit au moment de la vie d'adulte, à la faveur de différents événements de vie ou d'événements médicaux. Et puis, ce qui peut arriver, ce qu'on voit assez souvent, c'est des histoires de régime. Donc de restrictions alimentaires diverses et variées. travailler, répéter, avec à chaque fois des pertes de poids et puis des reprises de poids, ce qu'on appelle un peu le yo-yo ascendant. Mmh. Mais on voit vraiment ça avec petit à petit une vraie obésité qui va se constituer. Karine Clément, sur ce lien entre surpoids et obésité ? Oui, je peux être d'accord avec Claire sur effectivement l'histoire des patients. Le seul point que je pourrais rajouter à ça, c'est des situations très très particulières où très tôt chez des enfants, on va voir des développements très précoces d'une obésité, j'ai envie de dire, dès les premières semaines de vie, qui sont là liées, par exemple, à une forte influence génétique. Donc ça, ce sont des cas assez particuliers, d'ailleurs pour lesquels il y a eu des progrès très importants récemment, enfin c'est récemment à l'échelle de l'obésité, ces 20 dernières années en science, on a mieux compris pourquoi ces enfants prenaient beaucoup de poids. Mais effectivement, les trajectoires, hein, puisque en fait c'est ce dont on parle, les trajectoires des patients qui sont avec des histoires difficiles, hein, parce que de pertes, des reprises au cours du temps, effectivement, on voit cette aggravation au cours du temps et c'est aussi la raison pour laquelle on peut vraiment parler de maladie et de maladie chronique. Mmh. Alors on va voir que maladie chronique, d'autant plus qu'il y a des liens entre obésité et inflammation et c'est très intéressant de les examiner. Mais c'est vrai que quand on entend bien ce que vous dites là a priori, c'est-à-dire des liens entre l'obésité et des facteurs socio-économiques, ce que vous appelez le yo-yo ascendant, on a l'impression que l'obésité ou le surpoids est avant tout lié à des facteurs psychologiques. Or, ça n'est pas que le cas du tout, mais est-ce qu'aujourd'hui on est capable justement d'identifier les différentes sources ou les différents points de départ de cette épidémie de surpoids et d'obésité, Claire Carrette? Bon, alors je parle devant Karine Clément qui m'a un petit peu appris la génétique de l'obésité, bien dire. Ouais, vous êtes là toutes les deux pour vous compléter, donc. Non, mais il n'y a pas de souci. Non, mais ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a un grand psychiatre américain, Stuckart, il y a quand même, je sais pas, c'était dans les années 90, un peu avant, qui a montré de façon très intéressante, en ayant l'idée d'aller regarder dans les registres des pays du Nord, des Suédois ou des Danois, c'était les Danois, je crois, des jumeaux adoptés. Et ce qu'il a montré, c'est que quand des jumeaux, donc qui ont exactement le même patrimoine génétique, des jumeaux monozygotes, sont élevés dans la même famille ou sont élevés séparément, parce qu'à l'époque c'était possible d'adopter des jumeaux et qu'ils soient adoptés par deux familles différentes, j'imagine que c'est moins fréquent. En tout cas, ce qu'on voit, c'est qu'il y a à peu près la même corrélation de l'obésité chez ces enfants-là entre eux et avec les parents biologiques et pas avec les parents adoptifs. Et on voit aussi chez les jumeaux hétérozygotes, mais plus comme des frères et sœurs, où on voit que là il y a un poids de l'environnement qui apparaît, qui n'existait pas chez les monozygotes. Donc ce qui est sorti d'un peu tous ces travaux, c'est qu'on imagine quand même que la génétique a un grand rôle dans l'obésité. Alors justement, est-ce qu'on est aujourd'hui capable de définir quelle est la part génétique, quelle est la part psychologique ou environnementale dans l'apparition du surpoids ou de l'obésité chez un individu, Karine Clément ? Alors oui, là on touche du doigt les enjeux de la complexité. Donc en fait, on est en face d'une situation dans laquelle il y a donc ces facteurs environnementaux complexes. Hein, on a évoqué les enjeux socio-économiques, le mode de vie, les changements de mode de vie. On a évoqué les aspects psychologiques, les aspects de médicaments. Donc énormément de facteurs environnementaux. Et en fait, on sait qu'on est inégaux par rapport à ces facteurs environnementaux. Donc là, on arrive sur inégaux comment ? Et quand on parle d'inégalité, effectivement, on parle de polymorphisme génétique. Donc Claire citait ces grandes études des années, en fait, avant l'ère du séquençage du génome, hein, c'est-à-dire des années 70-80, où l'idée c'était de dire, bon, bah ok, il y a des facteurs environnementaux, des facteurs génétiques, quelle est la part respective de chacun de ces facteurs ? Et en fait, nos collègues généticiens qui calculaient les risques ont donné des chiffres importants. Hein. C'est-à-dire, on parlait de l'index de masse corporelle. Ben, en fait, c'était la variation de l'index de masse corporelle. Peut-être 40 à 50% de cette variation pourrait être liée à des facteurs génétiques. Puis en fait, ça s'est compliqué parce que quand on a commencé à séquencer les gènes, on s'est aperçu que finalement, d'abord, un, il y avait probablement, en tout cas dans les formes d'obésité plus communes, beaucoup de gènes impliqués. Mmh. Beaucoup, c'est combien ? Bon, plusieurs centaines. Mmh. Que ces gènes interagissaient entre eux, et que quand on regardait la variation, essayer de prédire un tout petit peu sur la variation de la masse corporelle, ce n'était pas ce que nos collègues nous avaient prédit. C'était pas 40 ou 50%. C'était peut-être au maximum 2-3% de la variance, de la variation de l'index de masse corporelle. Donc ça, ça veut dire beaucoup de gènes qui agissent en interaction avec l'environnement. En fait, c'est le même constat dans toutes les maladies chroniques. Vous regardez les formes communes, beaucoup de gènes impliqués avec des effets relativement faibles. Mmh. Ensuite, un des grands succès de la génétique, ça a été en revanche de mettre le doigt pour le coup sur des formes dans lesquelles la génétique est impliquée à coup sûr. C'est-à-dire, vous avez des mutations dans un gène, des changements géniques qui vont vous conduire à une obésité. Et ça, on parle de formes sévères. Et ça, pour le coup, c'est environ 2 à 3% des formes les plus sévères, c'est-à-dire des 1% d'obésité sévère. Donc, vous voyez, donc là, on est dans des niveaux beaucoup plus faibles. Donc ça, c'est des formes vraiment génétiques d'obésité qu'on est capable d'identifier aujourd'hui. Peut-être un mot pour compléter effectivement ce lien, et puis là pour le moment on parle que de génétique, on pourrait aussi évoquer des facteurs épigénétiques, tout ça on voit bien qu'il est très très difficile de tirer de défiler ou de dérouler la bobine d'un côté en tirant un seul fil. On voit bien que tout ça ce sont finalement en fait des affections qui sont extrêmement multifactorielles et qu'il est impossible de pointer effectivement tel ou tel gène comme étant seul responsable, sauf dans les cas extrêmes que vient d'évoquer Karine Clément. Oui, en fait, il y a un tel poids de l'environnement qui est obésogène en fait dans beaucoup de pays qu'il y a beaucoup de gens qui... c'est compliqué de dire dans une famille si l'obésité elle est génétique ou si elle est liée au poids de l'environnement. Et on voit, il y avait des études sur des anomalies génétiques. On voit que certaines personnes de la famille ont l'anomalie génétique et sont obèses, mais certains n'ont pas l'anomalie génétique mais sont obèses quand même parce qu'en fait, on est dans un environnement qui est obésogène. Ça rend les études assez compliquées avec une maladie aussi fréquente et aussi commune. Ça, c'est pour les travaux sur la génétique et l'épigénétique. Il y a d'autres travaux très intéressants sur le tissu adipeux en tant que tel, qui est aujourd'hui, peut-être faut-il le rappeler, Karine Clément, considéré comme un organe à part entière. Alors, effectivement, hein, si on reprend, on a parlé de l'index de masse corporelle. En fait, la définition biologique de l'obésité, c'est une augmentation de la masse grasse ayant des conséquences sur la santé. Donc, il se trouve que ce tissu graisseux, ça a été quand même des progrès considérables de ces 20 à 25 dernières années qui a été de montrer que ce tissu, c'est pas juste un bout de gras inerte qui embête tout le monde. Au contraire. Il s'agit de stocker juste des graisses. C'est vraiment une vraie, effectivement, un organe ou une glande, si vous voulez, endocrine qui va avoir sa biologie, qui doit faire son job, et son job c'est de stocker des lipides, et qui dialogue. Et qui dialogue avec notre cerveau, notre muscle, le foie, l'intestin. Donc et notre système immunitaire. Et le système immunitaire. Et donc c'est un organe clé qui devient malade au cours du développement de l'obésité. Et cet enjeu de maladie, c'est également l'installation effectivement de phénomènes inflammatoires, et aussi d'ailleurs de phénomènes liés à la fibrose du tissu. C'est-à-dire ? Alors, la fibrose, c'est l'installation de fibres, de collagène, en fait, dans le tissu adipeux. On évoquait le foie. Mmh. Le foie, quand on parle de maladies du foie, on parle du tissu graisseux dans le foie, et puis des fibres qui vont s'installer dans le foie. Et les fibres, cette fibrose fait le lit de la cirrhose, et donc les risques de cancer. En fait, cette évolution dans le tissu adipeux, c'est-à-dire inflammation, qui va perturber la biologie du tissu adipeux, va être favorable pour l'installation d'une fibrose qui va perturber grandement en fait le fonctionnement du tissu. Alors c'est vrai que c'est assez c'est pas évident de se le représenter, parce que quand on pense organes, on pense le foie, le cœur, les poumons, on voit bien, c'est bien déterminé. Ça voudrait dire que tout ce tissu adipeux qui est contenu, mais pas seulement au niveau abdominal, qui est partout, qui est dans nos fesses, dans nos joues, tout ça fonctionne comme un réseau, comme un organe unique aussi, Claire Carrette ? Bah, oui, alors Karine l'a déjà évoqué, en fait, ce tissu adipeux, il est réparti dans tout le corps. Il y a différentes formes de tissu adipeux qu'on commence à mieux connaître, qu'on a mieux analysé, et qui probablement dialoguent entre eux et avec les autres organes. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que souvent on a considéré le tissu adipeux comme néfaste, inintéressant, etc. Parce que l'obésité est associée négativement au fait qu'on est gros et que ce n'est pas bien d'être gros et qu'il faudrait avoir moins de tissu adipeux. Mais en fait, c'est un organe qui est très important, qui permet de stocker de l'énergie, ce qui est déjà très important, et qui peut réellement devenir malade quand l'obésité s'installe. Et ce que je pourrais ajouter, c'est que ce que j'ai découvert en fait quand je faisais faisais justement mon master 2 chez Karine, c'est que les cellules adipocytaires, elles synthétisent effectivement des molécules pro-inflammatoires. Ça, c'est quelque chose qu'on connaissait pas et qu'on a découvert très récemment, qui vont aller circuler dans tout le corps et créer de l'inflammation dans le foie et puis dans les autres organes. Comment ça se passe concrètement, Karine Clément, quand il se dérègle cet organe de tissu adipeux? À partir de quand il commence à se dérégler et qu'est-ce qui se passe au niveau cellulaire? Alors, il y a un phénomène, je pense qu'on peut dire, qui est reconnu par quand même la plupart des équipes, c'est le fait qu'une cellule graisseuse, qui s'appelle l'adipocyte, à un moment donné, elle va augmenter sa taille. Et avoir des gros adipocytes, des grosses cellules, c'est pas terrible. Pourquoi? Parce que cette grosse cellule, d'une part, va commencer à produire justement elle-même des molécules inflammatoires qui vont aussi attirer en fait d'autres cellules inflammatoires. Et donc, en fait, elle va produire des molécules qui vont dire « viens là, il se passe un processus inflammatoire ». Et ces autres cellules qui vont infiltrer le tissu adipeux, ça peuvent être des macrophages, des lymphocytes, enfin vraiment des cellules du système immunitaire. Et ça va commencer à perturber en fait les dialogues entre l'adipocyte lui-même et ses cellules inflammatoires. Et un adipocyte inflammatoire, il ne fait pas bien son job de stocker des graisses. Et c'est là où les ennuis commencent, parce que comme il ne fait pas bien son boulot, ça c'est vraiment son métier de stocker des graisses. Mais en fait, il va libérer en fait des graisses dans le sang qui vont aussi aller à des endroits où ils ne devraient pas aller. Et comme le foie, comme le muscle, le cœur, voilà. Mmh. Et donc, c'est une des explications des relations entre l'augmentation du tissu adipeux, sa maladie, et les maladies d'autres organes, comme les maladies cardiovasculaires, pour le diabète, le muscle, ou les maladies hépatiques. Et on peut même ajouter, effectivement, même les liens avec des pressions. On sait que ce niveau d'inflammation, de plus en plus, il y a des travaux, et on en a parlé à ce micro-là, le niveau de l'inflammation à bas bruit, finalement, a des dégâts sur un certain nombre de maladies chroniques, comme la dépression, qui commence à être examinée et étudiée avec des pistes assez intéressantes. Peut-être qu'on peut aussi dire un mot des dernières recherches qu'il y a pu avoir entre le tissu adipeux blanc et le tissu adipeux brun. On pensait qui veut en parler. À vous renvoyer la balle. On peut parler. Je peux démarrer. Karine Clément et puis Claire Carrette après. Effectivement, alors ça aussi, c'est historiquement, c'est amusant parce que en fait, si on prend les études chez les souris, les petites souris, en fait, elles ont deux petites glandes au-dessus des hémoplates qui s'appellent le tissu adipeux brun, donc brown adipose tissue en anglais. Et donc, pendant des années, on a un petit peu regarder un peu de loin ce tissu en disant il est juste important chez le nourrisson, parce que les nourrissons, ils en ont du tissu adipeux brun, et à la naissance, c'est très important pour le maintien de l'énergie, de la chaleur, etc. Mais bon, voilà, on avait tendance à dire, mais au cours du temps, finalement, quand on devient adulte, on perd ce tissu brun. Et ce qui a été vraiment intéressant, c'est qu'il y a une dizaine d'années à peu près, plusieurs collègues américains et puis aussi en Suède ont montré par des analyses qu'on appelle TEP scan, c'est-à-dire qu'on va regarder les régions du corps un peu chaudes, si je puis dire, ou qu'utilise le sucre. Et on s'est aperçu qu'effectivement, il y avait probablement aussi chez l'homme du tissu adipeux brun à certains endroits. Et alors là, ça a ouvert depuis ces 10 dernières années un champ extraordinaire. C'est finalement ce tissu adipeux brun, il existe. Il est perdu un peu plus chez les personnes obèses. Donc il y a une perte de ce bilan d'énergie, mais plus que ça. C'est-à-dire qu'il y a un tissu intermédiaire qui s'appelle le beige ou le bright, selon qu'on est européen ou américain. Voilà. Et donc celui-là, il est peut-être même encore plus intéressant que le brun. Pourquoi? Parce qu'il est dans le tissu blanc. Et en fait, on peut le stimuler, par exemple, quand on va au froid. Alors, je ne dis pas qu'il faut mettre nos patients dans des réfrigérateurs, surtout pas, mais ça permet de réactiver du métabolisme et finalement d'utiliser en fait des lipides, des graisses. Et donc, effectivement, on essaie aujourd'hui de connaître comment ça marche. Et il y a eu beaucoup de progrès, notamment à partir des cellules progénitrices, de voir comment une cellule très tôt, précurseur, va se devenir une cellule blanche, une cellule beige ou bright, encore une fois, selon l'Europe où on est américain ou européen, et puis brune. Donc ça, on parlait peut-être des nouvelles voies de recherche. Aujourd'hui, c'est une voie importante puisque beaucoup de collègues se posent cette question sur connaître mieux ces types cellulaires. La carette pour compléter ? Juste pour compléter, mais voilà, le tour était assez complet. Le tissu adipeux brun, juste pour expliquer pour les gens qui sachent un peu ce que ça veut dire, c'est que c'est un tissu adipeux qui dégage de la chaleur, qui va faire de la thermogenèse, et on dit qu'il est brun parce qu'il contient beaucoup de mitochondries, qui sont donc les organites cellulaires qui vont produire de la chaleur. Voilà. Donc, produisent de l'énergie, voilà. Comme nous en avions parlé dans une émission, dont on va vous mettre le lien aussi sur le fil Twitter de la méthode scientifique, @laméthodefc. My body is a cage that keeps me from dancing with the one I love, but my mind holds the key. My body is a cage that keeps me from dancing with the one I love, but my mind. Standing on the stage of fear and self-doubt, it's a hollow play, but they'll clap anyway. My body is a cage that keeps me from dancing with the one I love, but my mind. Arcade Fire sur France Culture à 16h35. My Body is a Cage. Nous parlons de surpoids et d'obésité tout au long de cette heure. Nous en parlons avec Karine Clément, qui est professeure de nutrition à Sorbonne Université, à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, directrice de recherche de l'unité nutrition et obésité, approche systémique à l'INSERM, mais avec Claire Carrette, qui est médecin, diabétologue et nutritionniste à l'hôpital européen Georges Pompidou à Paris. Alors, une autre des conséquences, hein, on en a parlé, on en a évoqué quelques-unes dans la première partie. Une autre conséquence de l'obésité, bien ce sont ce qu'on appelle les stéatoses, les maladies du foie et notamment la maladie du foie gras. Bonjour Antoine Beauchamp. Bonjour Nicolas, bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous êtes intéressé au lien que l'on peut établir justement entre le surpoids et le NASH ou maladie du foie gras. Oui, et un projet de recherche que vous connaissez bien, Claire Carrette, français, baptisé Quid NASH, se penche sur cette maladie pour mieux la comprendre. Et c'est Dominique Vallat, l'ancien chef de service d'hépatologie à l'hôpital Beaujon APHP de Clichy, qui en est le responsable. Ce projet de recherche, il vise à mettre en place un système de biopsie virtuelle qui permettrait de mieux diagnostiquer et de mieux catégoriser les personnes malades, mais également de faciliter le développement de traitements spécifiques de la NASH. Dominique Vallat nous explique les liens connus entre surpoids et NASH et nous rappelle les raisons pour lesquelles il est important de parvenir à un degré accru de compréhension de la maladie pour ne pas faire de raccourcis systématiques entre maladie du foie gras et obésité. Les causes, ou en tout cas les facteurs de risque qui sont extrêmement bien connus, c'est en premier lieu l'alcool, et en deuxième lieu l'obésité et le diabète de type 2, c'est-à-dire le diabète qui atteint des gens qui sont plutôt en surpoids, sédentaires, et qui au début ne justifie pas un traitement par l'insuline, bien qu'après on puisse arriver à un traitement par l'insuline. Est-ce qu'on a une idée de la prévalence de cette pathologie en France ? Si on prend que le foie gras, la stéatose non alcoolique, on est probablement aux alentours de 17 à 20%. Un peu moins que dans des pays comme les États-Unis où c'est de l'ordre de 25 à 30%. Donc c'est énorme. 25 à 30% de la population totale. Total. Et ça c'est simplement le foie gras qui par lui-même n'est pas forcément une maladie sévère. S'il n'y a que ça. Alors à partir du moment où ça devient pathologique, quelles sont les prises en charge prévues? Quels sont les types de traitements envisagés? Alors déjà, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que pour que ça devienne pathologique, il faut que la surcharge en graisse s'associe à une hépatite, c'est-à-dire une inflammation du foie. Et c'est ça qui va caractériser la stéatohépatite, donc la NASH, par rapport au foie gras tout seul. Alors la prise en charge, pour l'instant, une prise en charge vraiment spécifique, dirigée que sur le foie, il y a quelques médicaments qui probablement ont un effet favorable, mais on ne peut pas dire qu'il y ait beaucoup d'autres choses que l'amaigrissement, la correction des désordres dans le style de vie, pour arriver à quelque chose de plus sain. Vous évoquiez le fait qu'il y ait un lien de cause à effet entre le surpoids et la NASH. Est-ce que, avec l'augmentation du nombre de personnes en surpoids en France, on constate parallèlement une augmentation du nombre de personnes atteintes de NASH? C'est ce qu'on pense, oui. C'est, les courbes ont l'air parallèles et donc on a tendance à penser que c'est l'augmentation du surpoids qui entraîne une augmentation de la NASH. Mais ce que je voudrais dire, c'est que on utilise le mot NASH souvent pour désigner le foie gras. C'est une petite partie du foie gras. C'est environ 20% des gens qui ont le foie gras qui ont cette fameuse NASH. Et c'est, on estime, ces gens qui ont cette NASH qui évolueront vers la cirrhose ou le cancer. Certains de ceux qui ont une NASH évolueront vers la cirrhose et le cancer. Donc on a un ensemble de poupées gigognes. Il ne faut pas prendre les plus petites pour les plus grandes. Alors, vous pilotez un projet de recherche qui s'appelle Quid NASH. Est-ce que vous pourriez m'en dire un petit peu plus? Quels sont les enjeux de ce projet de recherche? Donc, comme je vous l'ai dit, la NASH, elle est caractérisée par une inflammation. Et cette inflammation, on a beaucoup de mal à la mettre en évidence autrement qu'en regardant au microscope un petit bout de foie. Ça veut dire qu'il faut prélever un petit bout de foie, c'est ce qu'on appelle une ponction biopsie. Et ça, c'est pas quelque chose qui est très facilement accepté, parce que c'est désagréable, c'est douloureux. Il y a un certain risque associé à cela, bien que ce soit un risque. Le risque de complications graves est vraiment faible. Il faut quand même être à l'hôpital, il y a beaucoup de précautions qui sont prises. Pour tout un tas de raisons, cette biopsie ne peut pas être appliquée au dépistage de masse. Or, on s'adresse à une maladie qui est extrêmement prévalente dans la population, très fréquente. Donc il faut qu'on trouve un système pour repérer cette maladie et les formes sévères de cette maladie facilement, sans faire de biopsie, pour pouvoir l'appliquer au plus grand nombre. Et on a pensé que, en utilisant la caractérisation du foie que permet une IRM, une imagerie par résonance magnétique, la caractérisation du foie que permet une échographie avec des moyens maintenant très performants, des systèmes extrêmement poussés. On a pensé aussi qu'en utilisant des techniques de dosage à très haut débit d'un très grand nombre de substances dans le sang, que ce soit des métabolites, que ce soit de l'ADN, que ce soit de l'ARN, on a pensé qu'en combinant toutes ces données dans un ordinateur, en créant des algorithmes et en ayant pour référence des biopsies qui sont effectivement effectuées chez des gens, on va pouvoir créer une biopsie virtuelle. On s'aperçoit que les grands obèses qui vont à la chirurgie bariatrique ont plutôt moins de maladies du foie que des diabétiques qui ne sont pas très obèses. Donc on voit que dans la population des gens qui sont à risque de NASH, malgré tout les obèses sont à risque de NASH par rapport à quelqu'un qui n'est pas obèse, mais dans la population des gens qui sont à risque de NASH, il y a différentes catégories de gens et on aimerait bien arriver à démembrer tout ça pour pas avoir une vision unique qui s'applique pas à l'individu. Voilà ce reportage du jour autour de cette maladie du foie gras ou NASH, peut-être une réaction à ce que vous venez d'entendre l'une et l'autre, Claire Carrette. Vous êtes dans alors moi j'ai la chance de travailler dans un service qui participe à ce protocole Quid NASH, donc ça m'arrive d'inclure des patients. Il explique très bien le fait qu'on est confronté en pratique clinique quotidienne à des patients obèses qui ont des perturbations du bilan hépatique. En fait, ce qu'il appelle hépatite, c'est quand on mesure les transaminases qui vont être élevées. Et moi, je vois en consultation que des patients qui ont des IMC au-dessus de 35 ou quasiment, qui ont tous un foie gras à l'échographie, qu'on fait une échographie, le foie est hyper brillant, il est gras, bon, il y a une stéatose. Mais ce qu'on veut savoir, c'est lesquels sont à risque justement d'avoir une transformation vers une fibrose, voire une cirrhose du foie. Et c'est extrêmement compliqué et on ne peut pas faire des biopsies du foie à tous nos patients parce qu'effectivement, on embouteillerait les services de biopsie des pathologies, mais qu'en plus, ce n'est pas un geste anodin. Et donc c'est un vrai enjeu et en pratique je pense que ce qu'il dit aussi à la fin est très important, c'est qu'il faut savoir aussi bien regarder les patients diabétiques de type 2, parce que c'est souvent les diabétiques de type 2 qui sont pas forcément les patients obèses mais qui sont juste en surpoids qui vont avoir cette fibrose et cette évolution vers une cirrhose. Donc ça c'est un message plutôt peut-être pour les médecins, mais c'est vrai qu'il faut être attentif au bilan de ces patients-là et regarder des marqueurs de cirrhose, parce que c'est pas rare de temps en temps de tomber sur une cirrhose du foie chez un patient diabétique de type 2 qui n'avait pas été diagnostiqué. Mmh. Et donc voilà, il y a des marqueurs sur le plan biologique qu'on peut regarder et qui permet d'alerter. Karine Clément. Oui, c'est ce qu'on voit bien, c'est de nouveau les enjeux de la complexité. Et on a besoin aujourd'hui d'outils pour mieux, dans notre jargon on dit stratifier, mais stratifier ça veut dire quoi? Ça veut dire catégoriser, faire des groupes. Basé maintenant sur des techniques modernes, en fait, de mesure de données. Donc, il parle de effectivement, l'IRM. On sait que maintenant, on est capable de mesurer par plein d'autres facteurs, par des technologies moléculaires ou d'analyses au débit. Et donc, ça devrait, quand on parlait tout à l'heure de vraiment de la complexité de l'obésité et des obésités, l'enjeu aujourd'hui, c'est d'utiliser ces données, de les intégrer pour mieux faire des profils, des sous-types et pouvoir mieux suivre ou pour prévenir, par exemple, certaines complications. C'est tout l'enjeu d'aujourd'hui, hein, avec l'analyse et l'intégration des données. Qu'en est-il du lien qui est fait aujourd'hui entre le microbiote, les dysbioses et l'obésité ou le surpoids? Alors oui, ça, dans ce domaine, quand on parlait justement de données complexes, là, on est au cœur du sujet. Hein. Donc, en fait, par ces études du microbiote, aujourd'hui, il y a une dysbiose. Donc, une dysbiose, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a une diminution, d'une part, de la richesse du microbiote. Donc, le microbiote intestinal, avant on disait flore, mais microbiote intestinal de personnes en surpoids ou obèses est moins riche que de personnes qui n'ont pas de problème de poids. Mais au sein des personnes obèses, il y a aussi une différence. Il y a des gens qui vont garder un microbiote riche et d'autres un microbiote appauvri. Donc problème de richesse, de diversité, également de composition. Il y a des changements dans les types, dans les groupes bactériens. Et là, ce que mon équipe a montré, et avec d'autres, et notamment dans le cadre de projets européens, c'est que plus on va vers des formes sévères d'obésité, plus cette fameuse dysbiose est sévère. Et donc, par exemple, chez nos patients qui vont vers la chirurgie de l'obésité, on estime qu'à peu près 75% d'entre eux vont avoir un effondrement de la diversité du microbiote. Et donc ça nous interpelle parce que on a parlé de maladies d'organes, on a parlé de problèmes de dialogue entre les organes. Et là, moi, je pense que c'est un élément important de la chronicisation des phénomènes et des problèmes de dialogue. Mmh. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, en termes de traitement, on peut commencer à envisager ce qu'on appelle des transplantations, des greffes fécales? Qui veut répondre? Alors sur là on est un peu tôt dans le processus. Je pense qu'avant ça, alors on est allé vraiment à l'état de recherche aujourd'hui. Avant ça, ce constat il est effectivement sur la baisse de richesse et de diversité, qu'il y a un effondrement, qu'il y a une dysbiose chez ces personnes, et que après, si on parle de chirurgie de l'obésité, après la chirurgie, c'est pas totalement corrigé. C'est corrigé un petit peu, mais pas totalement. Donc on a un protocole, on a une étude aujourd'hui qui va démarrer dans l'année avec une de nos collègues de la Pitié, le docteur Aron, pour lequel on va faire des transferts de microbiote chez des personnes après la chirurgie de l'obésité qui commencent à se redégrader en termes de diabète. Vous savez que la chirurgie, qu'il faut redire en quoi consiste ce qu'on appelle la chirurgie bariatrique. La chirurgie bariatrique, en fait, vous allez faire, il y a différents types d'interventions, mais finalement, dans ce qu'on appelle le bypass gastrique, vous faites une petite poche de l'estomac. Et vous allez rabouter une anse intestinale au niveau de l'estomac, ce qui fait que vous créez une restriction, les gens mangent moins, et une malabsorption, les aliments sont moins absorbés. Et finalement, un des éléments importants de la chirurgie de l'obésité, c'est que non seulement les personnes perdent du poids, c'est pour ça qu'on le fait, et c'est réservé à des formes sévères d'obésité, mais améliorent, pour les personnes diabétiques, améliorent leur diabète. Mais ça se redégrade un petit peu au cours du temps. Et en fait, l'hypothèse qu'on a, c'est qu'il y a une relation peut-être avec l'absence de restauration du microbiote intestinal. Donc ça, c'est un des projets de recherche qu'on va mener pour essayer de retransférer du microbiote pour voir si les personnes vont se réaméliorer d'un point de vue métabolique. Claire Garrett ? Là, pour compléter sur le microbiote, je pense qu'on a fait un peu le tour. Non, je pensais au diabète et ce qu'il ne faut pas oublier, donc après la chirurgie de l'obésité, c'est vrai que le diabète va régresser dans 75% des cas à peu près, avec la perte de poids massive, mais que Karine Clément a expliqué un petit peu dans le bypass qu'il y avait une restriction, une malabsorption. Mais ce qui se passe aussi, c'est qu'il y a une modification de la sécrétion de certaines hormones intestinales, dont le GLP-1 qui commence à être bien étudié, ce d'autant qu'on a des médicaments maintenant, des analogues du GLP-1, donc des analogues de cette hormone qui peuvent être utilisées dans le traitement du diabète. Une hormone qui a quelle fonction ? Et en fait, c'est une hormone qui va à la fois ralentir la vidange de l'estomac, va jouer sur la prise alimentaire au niveau central en donnant un signal de satiété, donc il va plutôt pousser à s'arrêter de manger, et qui va au niveau pancréatique faire fabriquer de l'insuline, mais de façon glucose-dépendante. Donc c'est assez intéressant parce que c'est un médicament, alors quand c'est sur le plan médicamenteux, qui va faire fabriquer de l'insuline au pancréas sans provoquer d'hypoglycémie, parce qu'a priori que quand il y a une hyperglycémie. Bon, en pratique, dans la chirurgie bariatrique, ce qu'on voit notamment après un bypass, c'est une restauration de cette sécrétion de GLP-1 après les repas qui avait disparu avec l'obésité et le diabète. Et donc ça explique aussi pourquoi le diabète va mieux après la chirurgie bariatrique. Justement, puisqu'on parle de médicaments, alors il s'avère que aujourd'hui, hasard du calendrier, c'est l'ouverture du procès du Mediator qui a fait du mal, en tout cas au traitement du surpoids et de l'obésité. Évidemment, peut-être on peut en dire un mot aujourd'hui. Ça veut dire qu'il y a encore, on a encore recours à des solutions médicamenteuses pour traiter des cas d'obésité sévère ou de surpoids. Karine Clément. Alors bon, c'est un sujet évidemment sensible et malheureux parce que on a besoin, je ne sais pas si Claire sera d'accord avec toi, mais on a besoin de molécules pharmacologiques pour prendre en charge nos patients. Et finalement, l'objet de cette émission, c'était de dire c'est complexe. On a parlé de maladies d'organes et on a parlé de maladies de problèmes de dialogue entre ces organes. Et donc ça veut dire qu'il y a plein de pistes. Et ça veut, et donc, une des difficultés qu'il y a eu pendant des années, c'était de s'intéresser, enfin, que l'industrie pharmaceutique s'est intéressée à une piste principale, qui est celle du contrôle de la prise alimentaire. Et effectivement, c'est bien malheureux, d'une certaine façon, puisque on peut dire que pendant toutes ces années, tous ces traitements ont échoué, d'une part, et d'autre part, ont entraîné des complications quand même pour certaines dramatiques. Mais ça c'est malheureux pour les patients et pour les médecins, parce que du coup, on n'a plus tellement d'options en thérapeutique. Donc mon impression, c'est que c'est en train de changer. Et qu'aujourd'hui, on a, en tout cas dans les formes très sévères d'obésité, les formes génétiques dont on parlait tout à l'heure, on a aujourd'hui des nouvelles molécules qui sont en train d'arriver. Qui sont de quel type ? Et qui agissent sur une voie qui s'appelle la voie des mélanocortines. Et cette voie, quand elle est stimulée, ça contribue à réguler la prise alimentaire. Mais là, on parle de personnes qui ont une impulsivité alimentaire terrible, de maladies, c'est-à-dire vous ne pouvez pas vous empêcher de manger, voilà. Et ça, c'est des formes graves, rares et liées à la génétique. Et donc ces formes-là, aujourd'hui, on a des possibilités thérapeutiques. Et ce qu'on est en train de voir arriver, par contre, c'est d'autres actions, pas que sur la prise alimentaire, mais également au niveau périphérique. Et il ne faut pas, parce qu'il y a ces histoires malheureuses, dire il n'y a plus rien. Et on a besoin de molécules, voilà. Et la chirurgie bariatrique, ce n'est pas pour tout le monde. En fait, on se retrouve dans l'obésité très démunie en tant que médecin, parce qu'en fait, on n'a à l'heure actuelle aucun médicament disponible en France. Hein, donc voilà, c'est quand même très compliqué. Alors que ce n'est pas vrai dans d'autres pays. Je parlais du GLP-1, par exemple, c'est un exemple. Hein, mais il y a d'autres pistes médicamenteuses. Mais les analogues du GLP-1, ils sont utilisés dans d'autres pays en Europe. Et je pense que c'est compliqué en France. Effectivement, il y a une histoire qui a été largement malheureuse et puis répétée avec différents médicaments dans l'obésité. Mais qui a probablement un enjeu aussi de société, parce que l'obésité, c'est une maladie qui est très commune et qu'il faudra probablement réserver ces traitements à des formes particulières, sévères. Très sévères, oui. Voilà. Y a un risque de détournement en fait de ces molécules toujours, puisque la majorité de la population souhaite maigrir, par exemple, avant les vacances d'été. Donc il faudrait pas que ces traitements soient utilisés à des fins et détournés. En fait, c'est ça aussi le problème. Et puis que c'est une population qui est très importante, donc potentiellement qui ça peut coûter cher à l'assurance maladie. Mais c'est ça vrai peut que... aussi être un pactole pour des laboratoires pharmaceutiques si on regarde dans l'autre sens. Hein. Oui, mais il faut que l'assurance maladie soit prête à payer pour ça. Et à l'heure actuelle, il y a des médicaments très bien dans le diabète, par exemple, qui sont toujours pas commercialisés pour des raisons probablement de coût et plus de preuves scientifiques, parce qu'il y a vraiment des preuves scientifiques que c'est des médicaments efficaces. Donc on est un peu dans, nous, diabéto-nutritionnistes, un peu perturbés là par ce... Je pense que tu as cité l'exemple du GLP-1. Ouais. Moi, je pense que c'est pas acceptable aujourd'hui de ne pas pouvoir utiliser cette molécule chez certains patients pour le poids, puisque d'autres pays, y compris européens, l'utilisent. Comme lesquels? Et c'est ces agonistes, l'Allemagne l'utilise. Je pense que les Anglais ont accès également à cette molécule. Et c'est quoi? C'est la NSM qui refuse la mise sur le marché? Les autorités réglementaires sont extrêmement frileuses. À cause du Mediator? Pas uniquement, à cause de l'histoire de notre pays. C'est pas que notre Je crois pays. Que le laboratoire ne veut même pas le commercialiser. Voilà, c'est ça. Donc, c'est l'histoire de, effectivement, je pense, de la catastrophe, enfin des catastrophes répétées avec le médicament anti-obésité. Mmh. Et or, on a besoin, et les patients ont besoin, c'est pas nous, ce sont les patients ont besoin de ces molécules. On a besoin, ça choque personne pour l'hypertension artérielle, qu'il y ait des patients avec 4-5 traitements qui permettent de contrôler les choses. L'obésité est une pathologie chronique. Dans certaines formes, on a besoin de traitement. Pour conclure, un dernier mot. Aujourd'hui, j'ai lu qu'il y avait des recherches intéressantes, et notamment des recherches liées à l'intelligence artificielle et au big data, qui peuvent donner des pistes intéressantes pour la suite, Karine Clément ? Oui, alors absolument. Donc là, on rejoint ce qu'on disait tout à l'heure. C'est aujourd'hui un des grands enjeux. On parlait du microbiote. Mmh. Aujourd'hui... n'est que mon avis, mais faire un test juste microbiote sans avoir une vision totalement intégrée sur quelle est la personne, quelle est sa situation psychologique, quelles sont les données d'alimentation, d'activité environnementale. Aujourd'hui, demain, on pourra combiner ces données. Donc, bien sûr, les outils d'intelligence artificielle ou machine learning, on peut les décliner en fonction des tests, vont arriver, quoi qu'il arrive, et ça va faire évoluer le métier. Mais dans quel sens? C'est-à-dire, ça va permettre de faire plus d'épidémiologie? Ça va permettre de mieux catégoriser les profils des patients pour avoir des actions plus spécifiques dans la prise en charge. Claire Carrette? Oui, l'enjeu, je crois que c'est ça, c'est de faire une médecine, comme on dit, personnalisée, d'essayer d'identifier nos patients, leurs marqueurs, leurs caractéristiques, et de donner pour chacun le traitement le plus approprié. Donc ça veut dire qu'on les phénotype, c'est-à-dire qu'on les caractérise de façon très pointue avant de les traiter, et puis qu'on ait aussi différents traitements à leur proposer, parce que si on n'a qu'un seul type de traitement, c'est effectivement peine perdue. Merci beaucoup. En tout cas, à toutes les deux, merci Karine Clément, merci Claire Carrette d'être venue nous parler de cet aspect médical et physiopathologique, également biologique, de surpoids et de l'obésité. Merci à toute l'équipe de La Méthode Scientifique, Antoine Beauchamp, Natacha Triou, Alexandra Delbo, Céline Lozen, Eve Etienne, Noémie Naguet de Saint-Vulfranc, Olivier Bétard à la réalisation et Valentin Bobinet aujourd'hui à la technique. Demain, nous retournerons comme quasiment tous les mardis vers l'espace pour nous intéresser à un casse-tête astrophysique qui vient d'être relancé via des mesures effectuées grâce aux ondes gravitationnelles, l'expansion de l'univers. Pourquoi les modèles théoriques ne s'accordent-ils pas et comment faire pour la mesurer précisément? On en parle demain à 16h jusqu'à preuve du contraire.